Bonjour, direct du 17 décembre 2022. Est-ce que j'ai mis le bon titre? Je sais pas. Je ne sais plus. C'est pas grave. Est-ce qu'il y a du son? Bon, il n'y a personne, mais donc il n'y a pas de son. Si un arbre tombe dans la forêt, puis il n'y a personne pour l'entendre. Donc, bon, mais quand il y aura quelqu'un, vous me direz s'il y a du son. Hein? J'ai eu des petits problèmes dernièrement avec ça. Lindus, bonjour. Donc, il y a du son, j'imagine. Donc, vous me direz ça, là. Bon, tout est correct. Bon, parfait. Bon matin. Oui, je vais bien. Je pense que j'ai attrapé un petit rhume. Bon, je vais bien quand même, là. Bonjour, Martin, Marie. Donc, bon, il n'y a pas grand-chose, hein, qui se passe. Il n'y a pas grand-chose. Il se passe toujours des choses. Mais bon, c'est un petit peu plate. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez jaser? Dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un lien, puis j'ai vu ça, là, parce que c'est des milieux que je connais pas du tout. Les chambres à tachyons. Ouais, bon, OK. Bon, à moins, ça fait dur un peu. Bon matin, c'est blanc dehors, oui. Oui, ici aussi. Bonjour Berthold, bonjour à tous. Bonjour Roselyne. Donc, hey, bon matin, l'oiseau moqueur. Justement, là, les chambres à tachyons. C'est toi qui me montrais ça. Bon, ben, il y a une quinzaine d'années, ce qui était à la mode, c'était de faire acheter aux gens des chambres hyperbares. Mais au moins, il y a quelque chose, là. Il y a de l'oxygène. Bon. Mais les chambres à tachyons, là. Bonjour, Martin. Ouais. Ben oui, mais c'est des arnaques. C'est du nouvel âge. Il y a des gens, bon, quand ils arrivent à un certain âge, puis qu'ils apprennent qu'ils ont des cancers, ils ont des choses comme ça, ben, ils tombent un peu dans n'importe quoi. Donc, bon, c'est quoi? Ben, c'est quoi en général? C'est difficile à décrire de même, là. C'est rien. C'est ça l'affaire, c'est rien. Ben, c'est un bonhomme là, de Slovénie là, qui vend des plaques de marbre là, avec des. Vous savez, comme dans les années 80, des pyramides, là, puis avec des cristaux, là, puis il y a de l'arnaque à plus finir. Ben, oui, il va en avoir de plus en plus. Plus ça va aller mal, plus ça va aller mal, puis plus il va y en avoir des affaires de même. L'affaire, c'est que, bon, les tachyons, moi, quand j'avais étudié ça, c'était complètement autre chose, là. C'était juste une théorie de physique, là. C'est rendu un culte. Donc, ils vendent même des amulettes, là, comme on voit, là. On voit ça, voyons, dans le temps, les magnétiseurs, il y en a, ils vendaient de l'eau magnétisée. Puis, bon. Il y en a qui étaient honnêtes, là, qui passaient des heures à magnétiser de l'eau. Ça veut pas dire que, bon, mais il reste que ça revient à ça, là. Et, bon, les gens payent pour leur effet placebo, au fond, ils payent pour leur... Bon, ben, c'est ça. Ça me fait penser à ce que je vois, là, les soins énergétiques. Bon, il y en a que, oui, il y a quelque chose, je veux dire... J'ai connu du monde qui faisait du Reiki, puis j'ai connu des magnétiseurs, puis oui, j'ai moi-même expérimenté avec ça, puis oui, il y a des choses. Mais là, bon, mais là, quand ça devient vendre de l'eau, là, vendre de l'eau, vendre des bébelles, des breloques, là, non. Bon. Il y en avait un à Montréal qui était bien connu, c'était un monsieur, son bureau dérougissait jamais. Puis mon père est allé le voir, je ne sais plus ce qu'il y avait. Puis c'était un monsieur, il n'y avait rien à y donner. Ah, bon matin, Virginie. Puis c'était un monsieur qui aimait les chevaux. Donc mon père lui avait donné une horloge de bureau avec un cheval, puis une petite horloge à côté. Puis finalement, le monsieur, il avait dit, bon, ben, à telle heure, tu penseras à moi. Puis il me semble que ça avait fonctionné. Mais l'affaire, c'est que, bon, il y a le pouvoir de la suggestion, il y a le pouvoir d'un paquet d'effets au niveau de la façon dont le psychisme est configuré, il y a des gens qui sont au courant de comment ça fonctionne, puis ils vont vous vendre votre propre énergie, dans le fond. Le but, c'est de prendre votre énergie, c'est-à-dire votre argent. C'est pour ça que, bon, l'affaire, là, les affaires de tachyon, ça, c'est vraiment, moi, à mes yeux, là, si je vous donne mon opinion, c'est de l'arnaque pure et simple. Mais bon, c'est sûr, ça peut avoir un effet quand on croit. Bonjour, Jean. C'est fort, hein? Mais c'est ça, c'est que c'est pas magique non plus. On peut croire fort à quelque chose, ça va avoir un effet. Il y a une suggestion, il y a bon. Mais c'est pas magique non plus. Prenez l'Inde, ils ont des millénaires d'une médecine traditionnelle qui est quand même pas si pire, mais qui a ses limites. Donc, quand il y a un gars avec une tumeur de 300 livres d'en face, ils s'en remettent à de la médecine autrement, là. Hein? Bonjour, Chanyan. Donc, bon, c'est pour ça, là. Des fois, je vais dire en prendre puis en laisser, mais dans les affaires qu'on voit dans le Nouvel Âge, je pense que tout est à laisser parce que c'est juste du commerce. C'est juste du commerce. Puis les chambres à tachyons, ben, je mets ça là-dedans. Mais bon, là, dans le fond, c'est comme si j'étais en train de calomnier un peu, là. Mais c'est mon opinion. Je pense vraiment que c'est de l'arnaque, les chambres à tachyons, parce que, bon, premièrement, je n'ai même pas à le penser, je veux dire. Ben, vous regardez ça. Si c'est à votre goût, faites-vous en venir une. Chambre à tachyons, ça coûte 30 000 $ US. 30 000 $ US. Pour une plaque là, de comptoir avec des dessins dessus, puis une pyramide en tuyau de cuivre, que je pourrais vous faire ça, là. Juste aller à la quincaillerie, puis prendre un fer à souder, puis je vais en faire une pyramide de tachyon. De là, vendre ça 30 000 piastres. Ça n'a pas de bon sens. Avec la conscience, le corps est parfaitement capable de guérir. Oui. Ben oui, mais il reste que, bon, c'est pas magique non plus. Il y a de la programmation, puis ben, comme il y a une dame que je connais là, qui est malade en ce moment, je suis pas mal certain qu'ils vont lui couper la jambe. Mais ça fait partie de son vécu. Ça fait partie de son destin. Donc, bon, je veux dire, des fois, on est subjectif, puis on ne se rend pas compte qu'on vit des épreuves pour des. Je dirais pas pour des bonnes raisons, mais pour des fonctions logiques. Parce que là, les raisons, c'est psychologique. Là, on va être porté à rationaliser, là. Mais des fois, bon, ça dépasse. Comme là, j'ai un petit rhume, mais bon, c'est pas. Ben, je l'ai pas ce matin. Ça doit être parti, je ne sais pas. C'est pas grave, là, on s'en fout dans le fond. Mais pour quelqu'un, par contre, qui est malade, vraiment, les chambres à tachyons, ça peut être. Quand on est vulnérable, qu'on a peur, qu'on a de l'angoisse, qu'on a de l'anxiété, on est vulnérable, puis on va être porté à. Il y a certaines barrières par rapport à le discernement, puis par le sens critique qui tombe. Puis il y en a, c'est des. Un peu comme des prédateurs. Ils savent qu'il y a de l'argent à faire avec ça. Là, 30 000 pièces US pour une chambre à tachyon, c'est très, très. Ouais. Moi, je paierais même pas 10 piastres là, pour me faire. Je veux dire, c'est des affaires en plus, c'est gros, ça prend de la place. En tout cas, là, je connais une fille qui en vend finalement une bonne personne. Ben oui, c'est pas que c'est du mauvais monde. Mais bon, ils se sont fait avoir. Bon, bonjour Marine. Le gars qui commercialise les chambres à tachyons, le dit Cobra est ancien gourou. Et poursuivi comme par hasard pour affaire de mœurs. Ben oui, ben voilà. Ben, quel type psychologique, quel type de profil psychologique va monter des affaires de même selon vous? Je veux dire, quand quelqu'un est prédateur, il n'est pas juste dans un secteur. Hein? C'est pour ça qu'à un moment donné, il y en a qui ont peut-être trouvé que j'y allais fort un peu avec le commandant Piché en disant, ben là, addict à l'alcool, au jeu, puis bon, un paquet d'affaires, fait du trafic de drogue. L'affaire, c'est qu'à un moment donné, quand quelqu'un a tout ça, il n'y a pas juste ça de défaut, là. Il y a un profil qui se dessine. Puis bon, c'est ça. Dans le fond, là. Mais ça me fait penser dans le temps, dans les années 80, là, c'était les pyramides, puis les affaires de pyramides, puis il y avait eu des procès, puis on se rendait compte que ça avait aucun sens, là, je veux dire, tout ce qu'il y avait derrière ça. En tout cas. Bonjour, il y a maintenant la grippe du chameau qui vient du Qatar, transmise par les fans de football. Taux de mortalité 30%, rien de moins. Bon. Oh là là. Vous avez vu, là, le. Bon. Moi, le Qatar. Bon, ben. Je veux dire, c'est incroyable, les gens qui sont allés là, puis c'est climatisé, de la climatisation extérieure. Ils ont climatisé une partie du désert, puis. Après, les gens sont de retour en France, puis il faut qu'ils coupent l'électricité. En plus, on le sait que c'est de l'arnaque. Je veux dire, dans le sens que pourquoi le Qatar a eu ça? Ben, comme d'habitude, quand ils ont quelque chose, parce qu'ils ont payé pour. Parce qu'ils ont payé pour. Rien que se faire appeler Cobra One. Ouais, c'est quoi ça? Je veux dire, le gourou, tu sais, c'est Cobra. On dirait un surnom de trucker. On dirait les surnoms des truckers sur leur CB, là. Ouais, c'est un petit peu. Il y avait ça dans les Farfadets, ils ont tous des surnoms de même. Mais ça, OK, là, je veux dire, là, ça fit avec une certaine culture, là. Bon. Mais là, pour vendre des affaires pour la santé. Non, là, je suis pas fort. On va avoir une grippe de chaque animal. Ouais. Ben, à date, c'est toutes des grippes. Tout le temps une grippe de. Vous savez, la pire animale, c'est ce qu'on appelle une grippe d'homme. Pas mal la pire, d'après moi, puis le pire animal. Non, ben, l'affaire, c'est de maintenir. Puis bon. Vous voyez, Boileau, il fait des conférences de presse pour rien dire. Il n'y a rien à annoncer. L'affaire, c'est que c'est pour. On voit ça justement dans certains groupuscules, c'est pas lâcher trop de lest, puis laisser. Bon. Donc, il nous laissera pas tranquille, il faut qu'il y ait une répétition, puis il faut qu'il nous maintienne dans un état d'esprit d'inquiétude. Donc, il fait des conférences pour rien annoncer, ne rien dire. Puis, bon. C'est un peu comme. Comment je pourrais dire ça? Bon, on voit ça, là, dans certains groupuscules, là, à tel jour, là. Faut à tout prix là qu'il y ait quelque chose, puis finalement, bon, ben, les gens. Bon, en tout cas, mais là, j'ai pas trop à parler, c'est un peu ça que je fais, là. Je veux dire, chaque samedi, des fois, même si j'ai rien à dire. Mais au moins, bon, c'est pas pour vous dire d'aller, que vous êtes en danger, puis bon. Lui, c'est tout le temps la même affaire. Là, c'était, ah, faites-vous. En tout cas, je regardais ça, là. Avez-vous vu ça, la petite fille qui s'est faite frapper à Montréal? Puis là, il y avait un drapeau, c'était une petite fille d'origine ukrainienne. Mais ça a été politisé, ils ont mis un drapeau de l'Ukraine. Puis bon, là, il nous compte l'histoire de son père qui se bat au front. Quoi. Je suis même pas sûr que c'est vrai. Heureusement que le chauffeur n'était pas d'origine russe. Ça aurait pas été drôle. Mais je regardais ça, puis j'écoutais la mairesse Plante qui aussi, il y a eu un double meurtre, là, une petite fille puis sa grand-mère. Puis j'écoutais la mairesse Plante, puis bon. Puis elle mêlait, bon, c'était n'importe quoi. Eux autres sont à la veille de dire, ben, pour être en sécurité sur la route, ben, faites-vous vacciner. C'est à la veille d'être comme ça. C'est aussi con que ça. Ils mélangent tout. Puis il n'y a plus de. Prenez le mouvement MeToo, il n'y a plus de présomption d'innocence. Toutes les bases qui faisaient de la société occidentale une civilisation, ça, bon, ça a plus rapport. Là, les gens, ils comptent leur. Je veux dire, c'est rendu que on peut agir en société selon si on est les traitements qu'on reçoit ou pas. Donc, il n'y a plus de secret médical non plus. C'est parfait là, pour des cobras puis les gens attaquent. Je veux dire, d'après moi, sa carrière commence. Il va faire de l'argent pas mal avant d'être bon. Puis de toute façon, quand quelqu'un vit, bon. Bonjour Bertelda, bonjour Christine. Donc, moi, j'ai vu que j'ai 4 nouveaux abonnés. J'en ai pas autant d'un coup d'habitude. C'est un troll qui s'est ouvert 4 comptes. Ça peut arriver. Bonjour Ariane. Donc, l'affaire, là, bon, aussi, bon, il y a nos amis qui attendent les extraterrestres, là. Bon, dernièrement, j'ai un petit peu de problème avec ça. Moi, ce que je vois pointer là-dedans, c'est une forme de culte, le cosmisme. C'est une forme de cosmisme, au fond. Puis finalement, ça va être ça, d'après moi, la religion mondiale qui veulent. Bon. Ouais, c'est pour ça que ça moi j'aime pas ça. Hein. Il boucle une enquête en 2 minutes quand ça va dans le sens de leur plan. Ben oui. Ben regardez, là, c'était rendu, là, le COVID, c'était un mort de trop. Avez-vous vu toutes les crises cardiaques, toutes les ACV, toutes les. Ça, non, c'est pas. OK. Bon, OK. Allô, bon matin, bonjour Stéphane. Donc, on fait quoi avec ça? Je veux dire, c'est normal qu'il y ait des affaires comme les chambres à tachyons, puis tout, on vit déjà dans une secte à ciel ouvert. L'Occident est en pleine décadence, puis c'est une secte à ciel ouvert. C'est comme s'ils étaient en restructuration, toute la société, là, ils veulent. On est dans de la programmation, là, il faut complètement changer de valeur, faut complètement. Faut plus se laver pour sauver le climat, puis bon, là, ça, c'est d'une certaine façon, on est dans de la programmation, là. C'est de la programmation. Puis même quand vous vous adressez à des gens, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui écouterait TVA tout le temps, puis vous parlez avec, c'est comme quelqu'un dans une secte puis qui est programmé, là, au sens où même le sens commun, le sens critique par rapport à des choses anodines n'est plus là. Donc, si quelqu'un s'enorgueillit du fait qu'il pense qu'en se faisant traiter, bon, il sauve les autres, puis en se lavant plus, il sauve le climat, quelqu'un qui est rendu là, il est programmé, là. Ça prendrait un des programmateurs. Il y en avait un des programmeurs qui était pas pire, puis lui, il déprogrammait des gens qui étaient dans des sectes hasidiques. Puis il y en a une, c'est l'élève Thaor. L'élève Thaor, ils ont passé par le Québec, ils ont fini par être chassés, ils sont allés au Guatemala, ils ont été chassés, ils se sont ramassés au Mexique. Puis il me semble que c'est au Mexique que leur rabbin, il s'est noyé. C'était Shabbat, il faisait ses ablutions dans la rivière, en place qu'il y avait trop de courant, puis il s'est tapé la tête sur les roches. Hein, une kippa, c'est pas un casque de moto, puis il est parti dans le courant. Donc, tout là-dedans va selon la loi. La loi l'a emporté. La loi l'a emporté. Bon, ben, l'élève Tahar, il fallait les déprogrammer, ceux qui ont été sortis de ça. Puis bon, là, ça prend quelqu'un qui est un déprogrammeur qui connaît bien la culture. Donc, je pense que c'est un juif de New York. Il me semble que c'est un juif de New York qui est déprogrammé, ceux qui venaient à bout, là, de bon. Parce que c'est vraiment de la programmation. C'est dur, là. Il y avait un hassidique à Montréal. Lui, à un moment donné, il s'est mis à avoir des doutes. Puis savez-vous ce qu'il a fait? Il s'est déprogrammé avec des Doritos. Ça m'avait frappé l'histoire qu'il racontait. J'étais hassidique, là, un hassidique, puis j'étais allé dans un dépanneur, puis je le savais que c'était pas cachère, les Doritos, puis j'en avais acheté. Puis il était allé dans une ruelle, là, caché en cachette, puis il avait enlevé son chapeau, sa kippa, puis là, il s'était mis à manger des Doritos. En ayant la programmation interne qu'Hachem allait le tuer, que Dieu allait le punir, qu'il allait mourir, là. Puis il a survécu à ses Doritos. Quelqu'un qui est capable d'aller au-delà de la peur comme ça. Bon, finalement, il s'est déprogrammé tout seul. Puis finalement, ben, parce que ces communautés-là, c'est rassurant. Surtout quand on est grandi dedans. Donc, bon. Mais là, l'affaire, là, les chambres à tachyons, ça va finir en communauté, là. Parce qu'ils se pensent persécutés. C'est sûr. C'est certain. C'est comme si j'essaie de vous vendre un produit auquel je crois, mais qui n'a pas de bon sens, puis que personne n'y croit, je vais finir par y voir le principe d'altérité qui embarque, puis vous finissez par voir l'extérieur comme votre ennemi. Puis, si on est plusieurs, en plus, on va se renforcer dans cette idée-là, se renfermer de plus en plus sur nous-mêmes, puis ça fait des dérives, ça finit n'importe comment. Quelque chose, je me dis que si on nous annonce la venue des aliens, il va y avoir une grippe avec ça. Ben ouais, là, ça va être la grippe de la grippe de l'homme, puis là, il va falloir protéger les bébites. Bonjour, OK. Il va falloir protéger les aliens. Il va falloir se faire vacciner pour eux autres, là. Ah non, c'est sûr que c'est n'importe quoi, là. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent? Comment ça s'appelait, donc? Dans le temps des années 80, il y avait eu un film, puis ça se passait dans une dystopie. C'était un contexte où les extraterrestres étaient sur Terre, puis il fallait vivre avec. C'était pas des extraterrestres. C'était des extraterrestres. La grippe alien, le moins aliénante. Comment ça s'appelait donc? Futur immédiat, je pense. Il y avait des affaires là-dedans de mafia. Il y avait des mafias aliens, puis il y avait des trafics, puis eux autres, ils se droguaient avec du lait caillé. Puis il me semble qu'ils mouraient s'ils touchaient à de l'eau de mer. Bon, c'était pas bon, ben. Moi, le souvenir que j'en ai, c'était un petit peu navet. Mais Il reste qu'au niveau de la culture populaire, on était plus en plus. Dans le fond, les aliens, c'est des humains. Dans le fond, comment je pourrais dire ça? Prenons une année, ils ont fait un enfer, comment ça s'appelait? District 9. Puis c'est clairement inspiré l'apartheid en Afrique du Sud. C'était carrément. C'est une métaphore sociale, les aliens. Dans le fond, ça a rapport avec nos troubles d'identité. Ça a rapport au niveau collectif. Ça a rapport avec un paquet d'affaires. Ça vient chercher un paquet de choses. Donc, hey, Jean, j'ai pas le temps de vous lire. Liliane V. Ouais, ça, je l'ai jamais écouté. Ça avait trop l'air mauvais. Vraiment, ben, je parle de. Bon, je pas non plus, je capote pas non plus sur les séries, là. District 9, c'était très bon. Moi, ouais, c'était pas pire. Bon, ça dénonçait un peu et tout le militaire privé, les milices militaires privées. Il n'y a pas grand œuvre de fiction qui font ça. Puis aussi, les fonctionnaires. Comment les fonctionnaires, les services sociaux aussi, ça, dans le fond, ça dénonçait un paquet de choses. Comment les fonctionnaires sont un petit peu déconnectés là, de la réalité des fois. Puis, j'ai bien aimé le vieux film Mars Attack où on pouvait tuer les aliens en faisant jouer Tom Jones. C'était pas Tom Jones. Il y a Tom Jones dans le film, mais c'est un chanteur western des années 70 qui a surtout été populaire en Australie qui font jouer. Comment il s'appelle donc? Il avait une voix, lui, c'était épouvantable. On est dans de la quétainerie, là, un peu. Bon. Non, il y a Tom Jones dans le film, mais la musique qu'ils font jouer, c'est pas Tom Jones. C'est un chanteur qui est un Américain, mais il était bien populaire, lui, en Australie. Pas au Canada. Voyons, c'est lui qui chante la toune, c'est The Indian Calling Love. L'appel d'amour de l'Indien. Puis, il y a une voix super aiguë, ce chanteur-là. Il était vraiment. En tout cas, c'était un registre particulier, là. Mais ouais, puis ça tuait les extraterrestres. Bon. Dans le fond, hein? Hérold. Bonjour, Hérold. Bonjour, Didier. En tout cas. Bonjour, Hérold. Puis c'est ça. Voyons de quoi je parlais. Moi, ben, Mars Attack, bon. C'est pas extraordinaire, là. On va pas trouver ça ben bon. Ben, Tim Burton, en général, c'est pas extraordinaire, ben, à mes yeux, là. Je suis pas un critique très objectif, mais l'affaire, c'est que, bon, mais ça, Mars Attack, moi, j'avais vu ça en faisant de la brocante. Mars Attack, c'était des petites cartes. C'était des petites cartes à collectionner, puis où on voyait des extraterrestres. Whitman, c'est ça. Je pense que c'est ça. Ouais, ces chanteurs-là. Ceux qui aiment le western quétaine un peu, là, bon. Alors, 2023, bon, on verra. On verra. Vous savez que ça ne m'inquiète pas plus qu'il faut, ça. Plus inquiet pour d'autres, dans le sens qu'il y en a que s'il ne se passe rien, ou s'il se passe quelque chose, puis ça n'a pas comme ils pensaient, ben, ou si c'est autre chose, ou. Vous savez, là, imaginez, là, pendant 40 ans, vous attendez un événement que vous pensez être le plus important de l'histoire de l'humanité pendant 40 ans. Prenez comme vous avez vu les petits documentaires que j'ai partagés, l'Académie Unarius, en 2001. Ils attendaient leur. Imaginez, là. L'Académie Berthold, moi, ce serait pas fort comme Académie. C'est des années qui disent, ouais, c'est ça, là. Donc, c'est un petit peu inquiétant, là. Je pige quand même, ce n'est pas avec du psychologique, sinon c'est la confusion. Moi, mais bon, ça dépend que je voulais dire. Ça va finir à la Jim Jones, mais peut-être pas. Ben, il n'y a pas tout à fait le profil, là. Mais c'est inquiétant, pareil. Moi, je trouve ça inquiétant. Parce que, ouais. Ben, il y a quelque chose. Je veux dire, voyons, ça bloque mon affaire. C'est quelque chose d'une doctrine, là. Puis c'est messianique dans le sens que c'est millénariste, puis messianique dans le sens que c'est un avènement qui va. Ouais. S'il ne se passe rien, ils diront comme avec You, on ne voit rien, il ne se passe-t-il rien, but trust the plan. Ouais, l'affaire, c'est que on peut le deviner, c'est que, bon, ce qu'ils vont dire, les extraterrestres sembleraient avoir accordé un nouveau sursis à l'humanité. Puis là, il va falloir dire, ah ben merci les dieux de nous accorder un nouveau sursis. C'est un peu ça là, qui risque d'arriver. Ils vont dire, ben, les extraterrestres ont décrété que grâce à nous, ben, ça va être les élus qui ont prêché leur mentalité, dans le fond, que grâce à nous, il y a l'humanité un nouveau sursis. Donc, peu importe ce qui arrive, ça va, il va y avoir de la récupération, ça n'a pas le choix. Bon, manœuvre de ship, ce genre de dialogue de sourds en réponse de quand même. Ben, je ne sais pas à quoi tu fais référence. Est-ce que ceux qui vivent en caravane sont en voie de clochardisation. Bon. Ben là, tu ne te fais pas penser à des hippies, ça. Il reste à se regrouper pour faire des communes, là. Bon. Hein. Ils ont une excuse pour tout. Ben, vous voyez, créer une bulle. Bertholdt. J'ai vu ta vidéo concernant les lobotomisés ovnis. Ça m'a fait penser à un document déclassifié du FBI qui explique que ce sont que des entités d'une autre dimension. Là, on est plus dans ce que je pense. Ouais. Donc, à un moment donné. Mais là, tu le déclassifies. Ça dépend, là. Je veux dire, ça me fait passer ça dans le temps. Dans les années 90, il y avait plein de documents du KGB qui circulaient. Bon, c'était tout des vrais. Mais pas peu importe. Bon, pour une fois que le FBI explique la réalité, ouais, c'est parce qu'il y a tellement d'affaires qui circulent que bon. Moi, je les soupçonne de déclassifier des affaires qui ont été faites pour être déclassifiées un jour, puis que bon. Ciao, inaudible. Ah oui. Ah bon, excusez. Ben, je m'excuse, mais là, je sais pas. C'est peut-être, j'ai peut-être une mauvaise connexion, mais pourtant, ça a l'air correct. En tout cas. Ici aussi, je ne m'entends plus. Je ne m'entends plus. Ça dépend de quoi vous parlez. Le son est OK. Ah bon. C'est peut-être lié à. Ça dépend peut-être de votre service. Je ne sais pas, là. Ici. Nickel. OK, nickel, oui. Donc, moi, ben, c'est ce que je pense. C'est s'il ne se passe rien, ils vont dire ben, l'humanité a obtenu un nouveau sourcil. Puis c'est grâce à ceux qui, comme lui, là, comme eux autres. Donc, bon. Moi, toutes ces affaires-là qui sont sorties, prenez Raël. Je me rappelle, moi, son livre, son premier livre, là, le livre qu'il a fait connaître, il était jeune. Là. Puis c'était bon. Puis à chaque page, tu écris le livre qui dit la vérité. Puis c'était avec une couverture jaune et noire un peu pour imiter dans le temps les livres Albin et Michel. Puis bon, puis là, il y avait une adresse pour commander leur amulette, là, leur patente qui se mettent dans le cou là, pour être reconnu des Elohim. Puis ces affaires-là, là, non. Je veux dire, ça a été long avant qu'ils quittent le Québec. Il aurait fallu les harceler avant. Je suis désolé de dire des choses comme ça, là. À un moment donné, bon, il a senti qu'il n'était pas le bienvenu, puis il est parti, mais dès le début, il aurait fallu. Bon. Mais là, c'est la job à qui de faire ça? En tout cas, ça m'a fait pareil la semaine passée quand j'ai réécouté en différé. Ça marche, c'est vraiment plate. Ah oui, ça allait bien, OK. Par exemple, comment faire évoluer notre rapport à la technologie? Ben, si, je veux dire, si dépendamment de vous, là, votre intégration, tout va aller de soi, c'est juste vous, là. C'est pas nécessairement dans le sens que, bon, ben, si vous êtes plus lucide, votre rapport à tout évolue, là. Donc, je vis en caravane, je ne suis pas pour autant. Et puis, ben non, ben, là, je ne faisais pas référence à vous. C'est le moyen le plus intelligent que j'ai trouvé pour ne pas rester assujetti à un système esclavagiste. Ben voyons, il est correct le système. Vous l'aimez pas? De toute façon, on veut pas être esclave. Bon, ben là, comment je pourrais dire ça? À un moment donné, il faut manipuler ce qui nous manipule. Dans le sens que, voyons, il y a un enregistrement de Bernard, moi, qui m'avait bien gros frappé, c'est l'argent. où il explique que les gens qui rejettent le système puis qui rejettent l'argent, ben souvent c'est parce qu'ils sont spirituels, très spiritualisés, puis bon, ça peut mener à. Moi, je trouve que la spiritualité, ça amène à s'appauvrir. Ben franchement, les gens spirituels, je trouve qu'ils sont amenés à s'appauvrir souvent. Parce qu'il y a de l'utopie là-dedans. Puis bon. J'ai de la misère avec les pseudo-phénomènes ufologiques, bien que l'absence d'évidence n'est pas l'évidence d'absence. Moi, c'est un peu un anglicisme, il faudrait dire des preuves. J'ai pas confiance quand c'est caché dans l'ombre. Ah oui, moi non plus. Les drones de la place Bonaventure, bêtement comparés. Wow, là, un instant, ça va trop vite. Bon. Les drones de la place, bêtement comparés à des ovnis, une technologie militaire qui date des années 50, juste une démonstration pour amuser le public, c'est ce que je pense aussi. Mais bon. Faut que ça cesse. Quoi, ça? Arrête. Faut que ça cesse. Hey, l'affaire, faut que ça cesse, pas de ma faute, là. Si ça va de plus en plus mal au niveau particulier, c'est pas de ma faute. Faut que je cesse quoi? Voyons, moi, j'ai tout le temps prôné un mode de vie sédentaire et bourgeois. Bon. Hey, super, je suis parti, revenu, le son est ok, bon, ah, peut-être. Man over the chaise, c'est préjugé. Mais ouais, mais tu vois ça comment, toi? Puis c'était prévisible en plus. C'était prévisible. Puis non, je l'ai vu. Tu penses que j'ai jamais vu ça? J'en ai connu, là. J'ai même amené dans des années dans le communautaire à voir ça. À un moment donné, là. On est des Occidentaux. Nous sommes des Occidentaux. Pas supposé vivre en ourte, là. Des yourtes, là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Puis bon, il faut que ça cesse. Parce que tu la place, là. Tu la place. Ben oui, je veux dire, l'occidental, quand ça va bien, il est sédentaire. Déjà, c'est rare quand. Bon. Ben oui, il y a déjà eu des aventuriers, des explorateurs, mais bon. C'est mauvais signe d'habitude. Donc, bon. J'ai été surpris qu'il embarque dans un délire de même. Qui ça? Mais ouais. Bon, soyez pas surpris. Il va en avoir de plus en plus qui vont embarquer dans des affaires. Des délires. Prenez toutes les utopies des années 70. Ouais, c'est jamais bon signe. C'est jamais bon signe. Prenez les premiers, dans le fond, les premiers écologistes. Les premiers écologistes, que moi je considère à mes yeux comme les premiers écologistes. Prenez la secte Evans Gate. Il y avait un discours écologique qu'on entend aujourd'hui, puis ils voulaient se castrer. Prenez la famille Manson qui mangeait dans les poubelles. Bon, c'est des écologistes. Ça se ressemble. Moi, je trouve ça malsain. Désolé, là, mais bon. On n'est pas pour aller manger dans les poubelles. Hein? Il y a toujours moyen de faire autrement. OVNI, est-il une sorte d'archétype? Oui. Mais au niveau de. C'est parce qu'il y a une différence entre la chose et le sujet. Au niveau de l'inconscient collectif ou de la culture populaire, oui. Au niveau de la réalité, là, je ne sais pas. Mais bon. Comment maîtriser cette technologie qui veut nous maîtriser? Ben, moi, je parlais le système social. On n'est pas censé, un individu est censé tout faire pour préserver un certain confort matériel, surtout s'il y a une famille. Donc, bon. Les gens qui croient aux UFO me font penser à des insectes qui s'électrifient sur une lumière bleue. Ben, c'est l'astral en général est comme ça. C'est-à-dire, bon, c'est de la lumière qui attire les. C'est quelque chose qu'ils ne sont pas capables de. Bon. C'est pour ça que ça donne rien d'en vouloir au monde, c'est plus fort que ça. Mais ils sont attirés par. Fait que bon, c'est parce que c'est fascinant ces affaires-là. Il y a tout le temps trois phases. Parce que la possession, c'est tout ce qui ne vient pas de vous, qui n'est pas conscient. Donc, il va tout le temps avoir en premier fascination, première partie, deuxième, obsession. Troisième, possession, passage à l'acte. Prenez les gens qui sont fascinés par les jeux, les jeunes qui sont fascinés par les jeux où ils tirent des personnes. Bon, ils ne viennent pas tous obsédés par les armes, mais il y en a que ça mène à ça. Ça commence, il y a une fascination pour des jeux. Après, ils ont une obsession, ils veulent avoir des armes, puis tout. Trois possessions, ils passent à l'acte. Dans le fond, ils n'ont pas d'identité. C'est des forces autodestructrices. Mais c'est pareil du monde qui veulent être enlevés dans des soucoupes volantes parce qu'ils sont malheureux sur Terre, par exemple. Donc, c'est pas normal de désirer des choses comme ça. Dans le fond, ça vient d'un besoin, d'une envie refoulée de mourir. Tout simplement. Puis, c'est paradoxal. Je l'ai vu, il faut fonctionner dans le système avec du discernement. Et voilà, la vidéo de Bernard, là, l'argent, il l'explique très clairement. Puis, moi, le monde qui dit « Ah, oh, ben la société, c'est pas mes valeurs, puis moi, je suis pas dans la société, puis ben, je trouve pas ça intelligent. » Je trouve pas ça intelligent. Il va tout le temps avoir le même discours, justement, dans des sectes. T'sais. Il y a nous, puis il y a le monde extérieur, puis le monde extérieur ne sont pas corrects. La société n'est pas correcte. Le système n'est pas correct. Ben là, si on se met dans cette idée-là, le système ne sera jamais correct non plus, dans le sens que c'est des choses qui changent lentement de l'intérieur. Donc, on a des gens, des fois, qui pensent des choses très justes, très correctes, puis finalement, ils ne pourront jamais donner un apport réellement à la société parce qu'ils méprisent la société. Donc, non. Je veux dire, c'est pour ça que je vais être porté aussi à prôner quelque chose d'assez au niveau de normes. Il faut être conventionnel. J'ai de la misère avec tout ce qui n'est pas conventionnel. Pourquoi? Parce que je trouve pas ça intelligent. C'est pas ajusté. C'est comme les punks dans les années 80. C'est pas ajusté. C'est pas conventionnel. C'est pas intelligent. Ça peut juste... bon. Hein? Comme toi, je suis pas le seul dans ce chat. Juste à partir... de la forme, il faut que les préjugés cessent. Ben oui, mais ça passe pas clair, là. On n'a pas le choix d'être dans le préjugé, étant donné qu'on n'a pas l'objet à juger. Dans le sens, on n'a pas à tous les détails, ben là, on n'a pas le choix de spéculer à partir de ce qu'on a. Là, c'est quoi, là? Ça devient, c'est un peu comme de la censure. Si t'arrêtes pas de... Parce que là, tu me pourris le chat, là, le Vatican. Les extraterrestres, c'est nous. Moi, arrête de préjuger. Ça dépend de quoi on parle. Mais je l'endosse totalement, ce qu'il dit Bernard sur l'argent. Puis je l'endosse totalement que c'est pas normal d'être rendu... je veux dire, j'en ai vu dans le communautaire du monde. Il n'y avait plus aucun orgueil, aucune dignité. Parce qu'il n'y avait pas d'identité dans le fond. Puis c'est pas normal de s'en aller de plus en plus tout le temps vers de la pauvreté alors qu'il y a possibilité que ce ne soit pas le cas. À un moment donné, là, il y a de quoi qui ne marche pas. Là. On n'est pas supposé s'appauvrir. On n'est pas encore dans une situation où on n'a pas le choix de s'appauvrir. Il y a encore moyen de vivre très bien. Donc, on n'est pas censé aller vers une vie de moins en moins... Comme là, ils veulent que les gens arrêtent de se laver à l'eau chaude. Hein? À un moment donné, là... Glenn, Didier, alors... Oui, je vous pose toujours la même question. Que faites-vous de votre intelligence? Bon, l'intelligence va faire ou pas de quelque chose de moi. Mais moi, dans le fond, rien de spirituel dans ma démarche, ni contre l'argent. Juste assez de me faire moissonner mon énergie par des félons qui ne respectent même pas leur propre loi. Moi, ben, c'est un peu comme une jungle. Dans le fond, on ne peut pas être contre. C'est pour ça, si on antagonise les forces sociales comme étant malignes ou dangereuses, on se nuit, là. On se nuit. C'est pour ça que ça peut être dangereux. Il y en a pas un qui déniera cela. Quoi? La gang à Manson lui-même a... Et une expérience de Wow, l'installe, ça va vite. Dans une. Attends. Hey, wow. Hey, j'étais où, là? Ok, la gang à Manson lui-même a une expérience de Bungstown au Nebraska, l'école de réforme catholique pour jeunes délinquants. Ça, l'affaire, là, Manson, il a été créé par le système, ce gars-là. Puis, je veux dire, c'est une des affaires que j'ai beaucoup lues. Puis, notamment dans le temps, lui, il vendait une sorte, avec sa gang, il vendait une sorte de LSD qu'on appelle le Orange Sunshine. Puis ça, c'était synthétisé par les laboratoires de la CIA. Chercher l'erreur. C'est comment ça, donc? Puis même après, quand il était en prison, je suis le fils d'une prostituée, puis lui, il embarquait dans des programmes gouvernementaux pour. Bah, c'est très louche, c'est très, très louche, très louche. En tout cas, ceux qui croient n'ont pas vu assez de souffrance, c'est un film. Bon. J'ai vu une boule de lumière se rediriger vers moi en montagne, grosse comme la lune, se déplaçant doucement sous les nuages. Je sais pas c'était quoi. Ça peut être plein d'affaires. Ici, à un moment donné, c'était des boules de feu. C'était tellement fort que les policiers qui étaient intervenus, ils avaient peur que le feu prenne dans les bois. Donc, bon, l'argent est une énergie. Ben oui. Ben oui. Ben l'argent est un support pour l'énergie. Donc, je veux dire, c'est un petit peu comme jouer aux échecs. Pas besoin d'aimer le jeu pour gagner. C'est juste d'être présent puis de. Je suis pas dans le communautaire. C'est pas ça que je dis. Je suis seul. C'est parce que là, c'est parce que c'est comme déplacé, là. C'est pas le temps. C'est pas la place, là. Je suis seul, là, c'est plus clair. Et lorsque l'on n'a pas tous les éléments, on ne spécule pas, on observe sans préjugé. Car il n'y a rien à observer. Il n'y a rien à observer dans le sens que tu ne veux pas. Fait que, bon, moi, l'affaire que je dis, c'est que si, si c'est si, il y a une dégradation des conditions de vie. Ben là, je veux dire, c'est pas toujours fortuit, là. Les circonstances sont le dos large. Mais bon, l'argent véhicule l'énergie, c'est ça, c'est un support. Ben, c'est une amulette, c'est un symbole. C'est le consentement collectif qui fait que ça a une valeur. Parce que ça n'en a pas, dans le fond. Ça n'a aucune valeur. La valeur, c'est pas réel. L'argent non plus. Par contre, ce qu'on fait avec, puis la façon qu'on le gère, ça, c'est un indicateur. Donc, même avec des situations super précaires, puis j'ai toujours réussi à accumuler tout le temps. Puis même, j'ai vécu, à un moment donné, j'étais vraiment, je vivais dans un trou à rats, là, j'aurais peine à vous expliquer ça, puis je me nourrissais presque exclusivement d'œufs. Ben, je suis venu à bout pareil d'en mettre de côté tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Mais bon. Moi, c'est sûr que quand j'y repense, j'aurais peut-être été mieux de vivre un petit peu mieux. Mais bon, c'est pas. Je veux dire, il y a toujours moyen d'avoir plus que ce qu'on dépense. C'est, je veux dire, il y a trop de façons. Il y a trop de façons. Prenez juste, bon, toutes tout qu'est-ce qui existe là, par rapport à le marché obligataire. Puis c'est pas compliqué tant que ça ne nous a pas été enseigné. Moi, je me souviens, à l'école, on nous parlait, il y avait économie familiale. On nous disait, ben, le budget pour un loyer, ça devrait être 20% de votre revenu, ce qui est impossible presque de nos jours. Puis bon, mais finalement, on ne nous enseignait rien. Personne ne va vous enseigner ces choses-là, il faut l'apprendre par vous-même. Je veux dire, si le système, vous ne l'aimez pas, puis que vous considérez qu'il est mauvais ou qu'il n'est pas bon, étudiez-le. Plus vous avez intérêt à l'étudier, à le comprendre de plus en plus, puis le mieux possible, s'il est si mauvais, puis si dangereux, c'est la chose à étudier. C'est ce qui ne fait pas notre affaire qu'il faut étudier. Donc, bon, s'intéresser à la clinique de. Quoi, ça? Il faut s'intéresser à la clinique de la perverse. perversion que c'est ça. Maintenant, l'argent va drainer cette énergie. Mais c'est parce que c'est pas supposé être. Pourquoi prendre personnel là-dessus un channel que tu pourrais contrôler? Didier, l'intelligence en pratique, je suis en accord avec Sylvain Duboulay. Vivre un miracle. L'humanité ne se corrigera pas individuellement sans y être poussé. L'humanité, c'est collectif. L'humanité ne se corrigera pas individuellement sans y être poussé, mais l'humanité, c'est collectif. Donc, bon. Je ne sais pas, là, ça dépend de ce que je voulais dire par ça. Mais bon. Que les extraterrestres viennent me corriger. Je les mets au défi de le faire. Et c'est pareil pour les autres. Venez me corriger. Je veux voir. On verra. Parce que individuellement, c'est ça. Là, c'est parce que l'humanité, je veux dire, moi, je ne vais pas me mettre à porter les péchés de l'humanité sur moi. C'est un petit peu ça, comme on nous dit, ah ben là, il faut économiser le courant, là, puis la guerre en Ukraine, puis bababa. Puis on se fait dire ça par du monde, ça se promène en jet privé, ça chauffe des villas qui ont des milliers de pieds carrés. C'est, voyons là, à un moment donné, là, bon, qu'ils viennent me corriger, voir. C'est comme j'avais dit à, voyons, ouais. Notre ministre de la Santé, je, tu veux je me fasse, ben viens me forcer, il va falloir que tu me forces. C'est pareil les écologistes, c'est pareil. Bon, moi, je sais que je ne pollue pas, puis j'ai un mode de vie qui ne pollue pas, venez pas me faire chier. Je ne vais pas me mettre à moi me laver. Voyons. Ça ne se tient pas, là. Dans le sens que, ouais. Vous savez, dans le temps, qu'est-ce qu'il disait, Reagan? Il disait, les hippies, ça s'habille comme Jane, ça sent comme Tarzan. Non, c'est pas ça qu'il disait. Il disait, les hippies, ça s'habille comme Jane. Ça ressemble à Tarzan, puis ça sent comme Cheetah. Plaster, ça va être ça, là. La mode, d'une certaine façon, chez certains types de personnes. Mais ici, en région, ça ne marchera pas, là. Personne. Ici, en France, quand tu parviens à manipuler le manipulateur, ça marche une fois et après, il change la fois pour éviter de se faire avoir une nouvelle fois. À quoi bon jouer avec des tricheurs? Ça dépend de quoi on parle. Ça dépend de quoi on parle. Je ne vous parle pas des individus, je vous parle d'un système. C'est-à-dire, bon. Puis en plus, en France, c'est plus facile, je pense. Les impôts sont moins compliqués en France. Ici, vous n'avez pas le choix là, d'engager quelqu'un. Je ne connais personne qui fait ses impôts lui-même. Il y en a, là, mais je n'en connais pas. Donc, d'ailleurs, les Français souvent parlent du Québec, c'est à cause de la lourdeur administrative. Et ils ont de la difficulté. Ils pensent que c'est lourd, la France. C'est le système français. Notre système est un des plus illogiques que j'ai jamais vu. Ici, là, si Revenu Québec, ils ont un sou à vous réclamer, ils vont vous envoyer une lettre qui leur coûte 15 sous pour vous réclamer un sou. C'est mécanique, il n'y a aucune intelligence, c'est mécanique, puis c'est du monde, ils n'ont aucun sens de l'initiative, ils n'ont aucun, comment je pourrais dire ça, c'est comme des employés de fast-food. Il y avait un cas aux États-Unis, le bonhomme, il appelait dans des fast-food, puis il faisait faire n'importe quoi aux employés. Puis après l'enquête, quand ils ont dit « Pourquoi tu appelais dans des fast-food? » Ben, du bel monde qui travaille dans ces choses-là, ils n'ont aucun sens critique. Puis tu as juste à dire que tu es un policier au téléphone, puis ils font tout ce que tu leur demandes. Donc, ils appelaient dans des poulets frits Kentucky, dans des McDonald's. Ben oui, c'est sûr. Jamais, pourtant, j'ai été dans ce domaine-là. Jamais je travaillerais dans un fast-food. Peut-être comme gérant, mais même là, non. Non, c'est trop. Ce n'est pas le temps, soit juste trouver une lucarne suite à la lecture de ta réponse pour affirmer mon identité face au collectif. L'identité réelle, ça ne s'affirme pas face au collectif. Ça, tu peux vérifier ça au niveau psychologique. Ça va s'affirmer face au collectif. Comme un adolescent en crise d'adolescence, il va avoir besoin de s'affirmer face au collectif, notamment entre autres ses parents, l'école, blabla. L'identité réelle, c'est tellement solide que ça n'a pas besoin de s'identifier. Ça n'a pas besoin de s'affirmer. L'identité réelle, ça ne s'identifie pas. Ça n'a pas besoin de s'affirmer. Bon, on vient qu'on s'en fout. Ça, c'est réel. Je veux dire, ce qui est important, c'est le résultat. Donc, Daniel Pinard, hey, salut. Bon, ben salut. Moi, ben, je vais cesser dans 10 minutes à peu près. Sylvain Duboulet est le traducteur du cours en miracle, la mise en pratique de ce que la personne appelle le supramental. Oh là, un instant. Là. Du cours en miracle, puis vous me dites de ce que les personnes appellent le supramental. Il donne des cours de miracle. Ah bon? Ça coûte combien? Ça coûte combien? Moi, je pourrais en faire des miracles. Hein? C'est-à-dire que c'est possiblement, ça peut être tout défait en 10 minutes. Le merveilleux, hein? La triple merveilleux, les miracles. Mais là, en ce moment, la mode, c'est la physique quantique. Dans le sens qu'on est en train de spiritualiser la physique quantique pour en faire un commerce. Vous vous souvenez, là, ben, c'est drôle que je dise ça, mais bon. À la fin du 19e siècle, l'électricité, c'était nouveau, puis il est apparu un paquet de thérapeutes et de gadgets qui servaient de l'électricité pour soigner. De la même façon, pour vous vous souvenez, là, Marie Curie, le radium, ben, il est apparu plein de choses au radium. Les gens s'empoisonnaient avec ça, croyant soigner. Donc, l'attrait pour le merveilleux, puis bon, premièrement, là, c'est bien dommage, là, mais c'est quoi un miracle? Il fallait définir c'est quoi un miracle. Un miracle, c'est quelque chose, une catégorisation subjective liée à la culture populaire, entre autres, ce qu'on appelle un miracle. C'est parce qu'on ne peut pas le définir autrement, on va appeler ça un miracle. Ça fait partie des forces de l'irrationnel dans l'être humain, puis le supramental, c'est supposé être le contraire. Le contraire. C'est pour ça que je ne crois pas au miracle à ce sens-là, dans ce sens-là. Des fois, oui, il y a de l'intelligence qui intervient, on dirait, puis ça peut manipuler la matière, semble-t-il, puis c'est ce qu'on appelle souvent de guillemets miracle. Mais je crois pas au miracle. Le miracle, c'est pas... bon. En tout cas, Jean, à la fois, bonne journée, à la prochaine. Je dois aller jouer dans la neige. Ah bon, c'est un devoir important. Je vais lire les derniers. Ça n'est pas le temps, soit juste trouve une lucarne suite à la lecture. Ben là, c'est parce que là, il y a un contexte, puis tout. Puis là, je suis en train de... Bon, c'est en général. Là. Voyons, je suis rendu où, là? Le miracle, c'est bon pour celui qui te le propose, moi. Voyons, je suis mêlé, là. Je sais pas où j'étais. Je vous dis que ça va pas bien. OK. Bonne journée, OK. Les impôts en France sont prélevés à la source pour information. L'administration québécoise n'est que le reflet du vieux continent. Non, ben l'administration québécoise, c'est une administration qui est liée justement à un moment donné. Il y a eu une chicane par rapport, il y avait deux parlements. Puis bon, ici au Québec, le Québec est la seule province qui a des impôts à part du fédéral. Donc, non, ce n'est pas un reflet du vieux continent parce qu'on est dans les seuls États, entre autres, des colonies britanniques qui fait ça. Donc, s'il vous plaît, si seulement tu en es capable, essaie de demeurer calme. Quoi, j'ai l'air énervé. Vous me trouvez énervé? Vous n'avez jamais vu? Mais... C'est clair qu'il n'y a personne ici qui ne m'a jamais vu en colère. Je ne suis pas énervé. L'administration française, c'est les 12 travaux de moi. Je sais déjà, mais qui veut le respect, cela en procure et pour amour, pour l'homme aussi. L'affaire, là, c'est parce qu'il y a une différence entre le respect psychologique qui est lié à un besoin de reconnaissance, d'être vu, puis le respect réel. Le respect réel, c'est ce qui fait que mon voisin ici, je ne vais pas l'écœurer. Je ne vais pas l'achaler parce que c'est un bonhomme qui a de l'allure, puis qui il fait son affaire, il n'écœure pas personne, puis c'est ça. Ça, c'est du vrai respect réel. Le respect réel, c'est ce qui fait qu'il n'y a personne ici autour qui ne va jamais venir m'épiler sur une orteil. Ils n'oseront pas. Tout simplement parce qu'ils le sentent. Mais le respect, genre, j'ai besoin de reconnaissance ou de gratification, d'être vu ou que. Ça, non, c'est pas réel. Ça, Je ne le vois pas comme du respect réel, ça c'est autre chose. C'est lié à du psycho-affectif. Et bon. Parce que moi, personnellement, moi, je ne vais jamais me mettre d'accord avec quelqu'un ou essayer de trouver des bons points juste pour des raisons relationnelles ou parce que dans le fond, je m'en fous un peu. À mes yeux, ce que les autres pensent, c'est technique, comme le reste, là. Dans le sens, quand je me pose une question, c'est pas est-ce que ça a de l'allure aux yeux des autres ou pas, mais est-ce que c'est réel ou est-ce que ça ne l'est pas? Puis le reste, bon. Bon, l'identité, attends une minute, là, ça va encore. L'identité réelle, ça naît, ça s'affirme pas. Ben oui. C'est l'identité que je parle même, si elle est factice. Je ne m'en suis pas totalement dénué. Prétendre la connaître ici. L'affaire, c'est que aussi une identité réelle, ça se fout d'être connu ou pas. Je veux dire, quelqu'un qui a un centre, un noyau, il s'en fout que c'est pas visible de l'extérieur. C'est pas ça. C'est ça qui c'est là pour donner une masse et une contenance. C'est pas là pour. C'est pas ça qui rayonne, qui joue dans le. En tout cas, le miracle, c'est l'apparition dans le réel du verbe. Ouais. Ouais, j'ai pas le choix d'être d'accord. Ouais, merci pour ces lives. Dommage que la plupart. Voyons, je suis encore. Dommage que la plupart des questions ne permettent pas d'élever plus haut la vibration. Ben, là, ça dépend des jours. Il y a toujours une explication miracle. Tant qu'on ne l'a pas trouvée, l'explication, ça demeure un miracle. Oui, ouais, l'affaire, c'est ça. C'est pour ça que je dis que c'est une catégorisation qui reflète la limitation. Bon, c'est un peu comme le terme mystère. Miracle, mystère, bon, ça s'arrête là où l'entendement humain s'arrête, ça commence. Donc, c'est pour ça que, bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Au contraire. Donc, Frédéric Étienne, je pense comme vous. Hey, j'ai réussi à me rendre. J'ai réussi à me rendre jusqu'en bas. L'affaire, c'est que c'est comme l'exercice de la parole. Pour que ce soit réellement fait, que ça parte réellement de soi, faut pas que ce soit fait pour des raisons pour les psychologiques par rapport aux autres exemples. Sinon, ça marche pas. Je l'ai vu souvent, puis il y en a, ben, des fois, bon, c'est ce que l'homme dénote chez l'homme réside sous une certaine forme chez lui. C'est une définition des fameux miroirs. Ouais, mais là, on s'en sortira pas, là. Moi, ce que je dis, c'est que les apparences ne sont pas trompeuses. C'est ça que je dis dans le fond. Dans le sens que j'en ai connu, même j'ai connu un couple, eux autres, ils ont voyagé pendant 30 ans. Ils ont voyagé pendant 30 ans. Dans une Westphalia, ils ont fait le tour de l'Europe, puis ils ont eu un mode de vie que moi, j'aurais pas. Puis même que, bon. Puis pendant 30 ans, ils ont fait le tour de l'Europe, puis blablabla, puis après, ils sont revenus ici, puis c'est devenu, ils travaillent à la commission scolaire, puis c'est des professeurs, au fond, maintenant, ils sont retraités. Mais dans le fond, c'est des hippies pareils. Puis c'est ça qui ont tout le temps été. Ils ont tous, c'est ça, puis c'est ça qu'ils sont encore. Même aujourd'hui, retraités dans leur, avec leur maison, puis c'est encore des hippies. Parce qu'ils ont passé 30 ans. 30 ans à errer comme des bohémiens, à fouiller dans les poubelles, puis ça se sent, ça. Ça se sent, ça. Puis moi, ce que je dis, c'est qu'il y a quelque chose de régressif là-dedans. Puis la mode qu'il y a eu dans les années 70, 60, retour à la Terre, puis après 70, les communes, ces affaires-là, moi, je vois du régressif là-dedans. Puis dès qu'au niveau d'un comportement, on se met à se rapprocher de ça, moi, je disais, attention, c'est pas bon signe. Je trouve pas ça bon signe. Donc, bon. Puis je veux dire, est-ce que c'est réellement volontaire? Non, c'est pas nécessairement, mais il reste que je trouve ça... Je veux dire, on est des Occidentaux, là. Donc, vivre en bohème, là, même, je sais pas. Ça, oui, ça peut servir, le temps que ça sert, c'est quoi, je sais pas. C'est pas un jugement moral ou un jugement de valeur. Mais l'affaire, c'est que vous voulez construire quoi de solide comme ça? Ça va être plus difficile. J'ai un oncle, ça y a pris une cinquantaine d'années avant qu'il s'achète une maison, qu'il s'installe réellement, puis tellement que je me disais, il n'y aura jamais rien à lui. Puis même sa mère, ma grand-mère a dit, il n'y aura jamais rien à lui. Mais depuis que c'est fait, ça, il est plus, on sent qu'il est plus solide, plus stable, même au niveau de sa personnalité, puis de son émotivité. Mais là, on parle de quelqu'un qui avait quitté la maison de ses parents à 15 ans, puis qui avait travaillé sur des chantiers un peu partout, puis qui a dormi dans des dortoirs. Puis... C'est sûr que c'est une passe de sa vie qui était, bon, c'est de la formation au fond, mais s'il n'est pas nécessaire de passer par là, si on n'est pas obligé, ça vaut mieux. Donc, tu comprends vite le sens des commentaires, les questions aussi. Ça dépend. Des fois, je patine. La vibration est intime à chacun. Si vous baissez en vibration dans une interaction, c'est que vous n'êtes pas totalement ajusté à vous-même. L'affaire, c'est que c'est à faire attention, là. Parce qu'il y en a, ils vont se nourrir des conflits, puis c'est ça qui les monte en vibration. Et ils vont essayer tout le temps de, bon, les apparences sont trompeuses. Non, c'est le contraire. Puis, le fait de ne pas m'être fier à ça, je l'ai regretté souvent. Oh non, moi, si ça a l'air... si la personne a un vibratoirement, là, c'est l'apparence de... Parce que c'est ondulatoire aussi. Aujourd'hui, là, juste une femme avec des croix dans les oreilles, je ne parle pas. Non. Juste un bonhomme, un homme qui a les cheveux un petit peu gros, je ne parle pas. Je me tiens loin. À cette heure, ça ne me prend rien. Rien. Quasiment. Puis je fais assez. Dans le doute, je m'abstiens. C'est un petit peu ça, dans le fond, plus que du préjugé. C'est un jugement de valeur sur la forme. Ben oui, mais c'est le résultat, la forme. Ça aboutit à ça. Je veux dire, c'est pas anodin, dans le sens pas fortuit, là. Donc, c'est un peu à un moment donné, il y a quelqu'un qui était venu me voir, qui voulait qu'on l'engage, puis j'y regardais les mains, puis il y avait le tour des ongles complètement noir. En plus, qu'il n'y avait pas de lunaison, là, mais c'est surtout qu'il y avait le tour des ongles complètement noir. Fait que dans ce temps-là, je ramasse le CVJ, OK, on va rappeler, mais s'il n'y a pas de nouvelles. Bon. En tout cas, même on peut lâcher. Porte-toi donc une chaîne au lieu de toujours détourner ceux qui parlent. Ben, c'est pas non plus. L'affaire, c'est pas, j'ai dit que je serais disponible dimanche. On réglerait ça dimanche. Je t'offre une possibilité, justement, pour pas... il y aura jamais rien. Lui, vous l'aidez. Attends une minute, là. Rien, lui. Vous l'aidez à non plus. Prenez conscience pour vous-même. C'est parce que c'est ça, là. On tombe dans... Tout ce qui est évident est insignifiant. C'est un peu ça. Là. C'était juste une observation. C'est pas comme si je me sentais triggered à chaque phrase, à chaque mot. Bon, OK. Je viens ici parce que ça me plaît en général. C'est le bonhomme, là. On dirait le style bonhomme-lette là, de ici, d'ici. Là. Ouais. Enfin, pas de prendre une autre image, là, je sais pas, moi, un papillon, pas un monarque. Là. Dans le doute, je m'abstiens. Oh, oui, souvent. Je veux dire, qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Tu vois que ce sont des gens qui ne s'intéressent pas à tes sujets. Moi, pas toujours. La bonne forme. Mais souvent, c'est parce que je dis quelque chose, le monde comprend d'autres choses. Fait qu'on ne parle même pas de la même chose. Donc, bon, mais ceux qui l'ont vécu, là, la bohème, puis ils savent, hein, j'imagine, ce que je veux dire. Je veux dire, c'est comme mon oncle avec qui je m'entendais pas bien. Aujourd'hui, ben, il voit ça différemment. Hey, Megadeth, c'est vrai. Bon, je m'excuse, là. Je viens que pour moi, c'est tout pareil. Je mélange tout ça. Donc, bon. Ça va loin, hein, c'est des souvenirs de, bon, les années 80. J'ai dit arc pour les cheveux gras et le tour des ongles noirs, moi. Moi, c'est jamais bien bon signe, ça. Que voudrait dire pour toi quelqu'un n'ayant pas de vinyle aux ongles? Ça dépend. Mais moi, je peux dire, je me base pas juste sur un détail, je regarde l'ensemble. Donc, ça dépend. C'est accompagné en plus de, bon, la dentition. Je regarde les formes des oreilles, je regarde. Avec le temps, on développe des réflexes. L'astral n'est-il pas que la réflexion des égos collectifs mesmérisés? Non, c'est pas juste ça. Parce qu'il y a des influences archétypiques là-dedans, des forces, si vous voulez. Donc, c'est pas juste ça. En majorité, elles ne sont pas trompeuses. Il faut laisser le doute pour ce qui reste. Évidemment que je cours pas derrière les percées trouées. Seulement, ils ont une humanité. Oui, je dis pas le contraire. Il est là le problème. C'est pour ça qu'on risque de se faire pogner des fois. Parce que, je veux dire, c'est du bon monde, oui. Mais après avoir vu du monde qui était vraiment dans des cas à problème, puis tout, puis de trouver, oui, c'est injuste, oui, c'est de valeur, puis tout, mais pour me préserver, il aurait fallu que j'aie aucune empathie. Je me serais mieux préservé si j'avais eu aucune empathie, puis je m'en étais pas mêlé. Puis, avec le temps, avec l'expérience aujourd'hui, tu me juges, ben non. Si je me demandais c'était quoi ce bébite-là, là. Hein, c'est bon. Alors, sommes-nous acteurs ou spectateurs? Tout ça en même temps. Mais je pense qu'on est surtout. On subit, en tout cas. L'oiseau moqueur répond, moi. Hein? Bon, Mimi. Mais celui qui a les cheveux gras vit cette expérience pour que tu n'aies pas à la vivre. Ben justement, dans le fond, ça me regarde pas. Les deux, nous vivons l'illusion de la séparation. Mais si tu avais coupé avec l'empathie, tu n'aurais pas évolué d'une pièce moins. Non, ça aurait été plus vite. Ça aurait été bien plus vite. Aujourd'hui, là, je suis totalement impatient. J'ai un voisin en haut, c'est un paquet de troubles, il n'y a rien à faire avec. J'en ai pas d'empathie pour lui. Là, ça nous a tout fucké, la fin de semaine passée, il nous a tout fucké la fin de semaine. Pourquoi? Parce qu'il a fait une espèce d'overdose, puis là, la grosse affaire, les ambulanciers, sa blonde a pleuré. Puis finalement, c'était juste un coma éthylique. J'avais demandé en dedans, je dis, es-tu mort ou il est pas mort? Puis là, ça me dit, il est mort. Puis là, finalement, il était pas mort. Puis là, pourquoi vous me dites qu'il est mort? C'est parce que c'est ça que tu voulais entendre. Ça ferait bien ton affaire qu'il soit mort. Puis le pire, c'est que c'est pas vrai. Mais je me faisais répondre ça dans le sens que, oui, c'est un paquet de troubles, puis il n'y a rien à faire avec. Le gars, bon, il va mourir de ses addictions. En attendant, c'est nous autres qui est pris avec ça, c'est fatigant. Mais non, j'en ai pas d'empathie pour lui. Aucune. Aucune, parce qu'il n'y a personne. C'est un peu comme la personne a jamais été là. Il y a juste des programmes. C'est rien que des programmes qui veulent boire, puis qu'une fois que la personne est en alcoolisée, c'est « je veux mourir, je veux mourir. Il n'y a rien à foutre avec ça. Il n'y a rien à faire avec ça. Désolé. Il n'y a rien que des programmes. Ça, tu sais, je veux dire. Bon. Ben, tu vois, en caravane, en forêt, j'ai pas de problème de voisinage. Ben oui, mais ben là, gars, oui, t'en as, là, tu viens me voisiner, puis. C'est de la merde totale, comme ça, je t'ai dit de me couper. Regarde, là, moi, je te le dis, là, le monde qui, parce qu'ils sont déçus du système ou de la société, puis qui s'isolent, OK? On n'est pas loin de. Moi, c'est pour ça que j'avais fait un parallèle avec une certaine clochardisation. Ça y est pas grand. À un moment donné, il va falloir revenir au monde, là, à la société. Dire justement que d'avoir des voisins, c'est pas. Ça en prend des voisins. Ça en prend. Lui, c'est juste parce que, bon, c'est un voisin. Bon, mais il n'est pas dérangeant tant que ça. Mais il reste que moi, j'ai tout le temps peur qu'ils mettent le feu. Puis, bon, Mais j'ai un arrangement avec tout le monde de sa famille, ils viennent voir. Mais il reste que ça donne. L'affaire d'aller s'isoler en forêt, c'est la première affaire qu'ils font, comme la SEC, là, Rockmoy Stereo, sont tout de suite allés se cacher en forêt en Ontario. Puis le niveau de vie, ton niveau de vie n'est pas censé baisser. Si tu intègres, puis bon, ton niveau de vie n'est pas censé baisser. Désolé, là. Ton niveau de vie n'est pas censé baisser. Donc, d'autres valeurs, là, mais bon, j'avais bossé toute la semaine dans des entreprises high-tech. Oui, c'est correct, ça. Mais comme il y a bien des cas que, bon, je veux dire, l'affaire d'être calant d'informatique, ça n'empêche pas des fois qu'on peut devenir asocial. Prenez la famille Turpin aux États-Unis, en Californie. C'était un gars de l'informatique. C'était un gars qui était calé en informatique, puis il travaillait pour des grosses compagnies importantes. La gang Evans Gates, c'est des premières compagnies qui ont créé des sites Internet. C'était tous des geeks, c'était tout, ils étaient tous dans l'informatique, puis tout, mais ils étaient totalement asocial. Même dans le cas, les Turpins, là, on pourrait dire antisocial. C'est jamais bon signe. C'est jamais bon signe. Donc, je veux dire, moi, l'affaire de vouloir être en dehors de la société ou d'être contre le système, c'est pas de même. Je veux dire, ça, c'est de l'altérité, puis c'est de la polarisation, puis ça, c'est dangereux. C'est extrêmement dangereux. Puis, plus on est, j'ai remarqué ça, les gens qui sont très dans la technologie ou qui connaissent bien la technologie, ou qui, ils sont plus isolés socialement. Souvent, c'est des gens isolés socialement. Puis c'est malsain, c'est pas sain, ça. Il faut avoir. C'est pour ça que jamais je dirais à du monde d'avoir moins de contact avec leur famille ou de ne pas socialiser. C'est extrêmement important de socialiser, d'avoir du contact avec du monde, puis d'être entouré, puis d'interagir tous les jours avec des gens. C'est extrêmement important parce que sinon, on développe une sorte d'allergie au social, puis ça peut, c'est dangereux, on finit qu'on s'enfonce. Décrire la forme selon ta vie, vivre en forêt, ce n'est pas ce que le clochardisé, les gars qui vont dans des pourvoiries pour trapper. Ouais, mais ils vivent pas dedans. Calice. Ils sont pas bien clochards, c'est pas parce que, regarde, là, tu le sais dans le fond ce que je veux dire. OK, toi, ça s'améliore, là. Ça, c'est des symptômes du fait que ta vie s'améliore puis que tu as intégré beaucoup. C'est ça que tu es en train de me dire. Parce que dans le fond, tu arrêtes à la forme parce que ça fait pas ton affaire ce que je t'ai dit. Parce que ça fait pas ton affaire ce que tu vis, dans le fond. Mais là, à un moment donné, il va falloir allumer. Le monde qui vont trapper dans le bois, qui vont dans des pourvoiries, ils vivent pas comme des coureurs des bois. Ils passent pas. Ben, ils passent pas toute leur semaine en forêt, à rien faire d'autre. On en a un ici de Fitzgibbon, le bonhomme, il est multimillionnaire, puis tout, puis il est allé à une partie de chasse dans une pourvoirie privée, puis tout, puis là, ces imbéciles-là, ils s'habillent avec des habits de chasseur faits sur mesure, avec la patch de cuir, puis. Ça n'a pas rapport, là. Ils vont en forêt parce que c'est un loisir, entre autres. Ou je ne sais pas, même les paysans qui vont faire de la cueillette en forêt, après ils reviennent au village puis socialisent avec du monde. Je veux dire, ils ont une maison. Ils ont une maison. On est des Occidentaux, ça prend une maison. Tu sais, on n'est pas pour dire, ah ben le système de propriété, puis le système d'immobilier, puis moi, ça c'est tout mauvais, fait que on va vivre comme Diogène dans un tonneau. Ça n'a pas de bon sens. Ce n'est pas les symptômes d'une amélioration. Je veux dire, à un moment donné, là, forêt le soir, je bosse dans des sociétés le jour. Est-ce que tu intègres ou pas la forêt la semaine? C'est parce que là, moi, ce que je dis, c'est que ça, c'est des ces changements de vie-là, est-ce que c'est des symptômes que ça s'améliore? Il ne s'agit pas d'être pour ou contre le système. Il s'agit de prendre conscience que ce système est arrivé au bout du souffle et qu'il le garde là. Ça ne marche pas non plus. C'est parce que si vous voulez construire autre chose, il faut rester dedans. Le système, ce n'est pas quelque chose nécessairement qui tombe d'un coup. Puis c'est que justement, ça va être quelque chose qui se transforme. C'est ça, le système, c'est nous, c'est ça. Donc, quelqu'un qui vit vraiment en dehors du système, dans le bois, si ça existe, ne va pas sur Internet chatter, moi. Ouais, on en a ici, là. J'en connais. Il y en a un bonhomme, là, il est à 1h10 à peu près. Lui, il a une maison, c'est des lampes à l'huile. Il n'a même pas l'électricité, monsieur. Puis, quand il vient en ville, ben, Chris, il jase, puis il socialise. Dans le sens que tout le monde le connaît, puis c'est correct. Puis j'en ai connu des cas. Là. Il y en avait une, là, elle fumait du thé, puis elle buvait du vinaigre, puis elle mettait des sacs à pain dans ses bottes trouées. Mais elle était tout le temps à parler à tout le monde. Ben, c'était la propriétaire d'une quarantaine de maisons ici. Puis bon, tout le monde considérait qu'elle était un peu folle, mais il reste qu'elle n'était pas coupée du monde. Elle n'était pas... Ça dépend, là. C'est du coup par coup, pareil. Je suis d'accord... Puis j'ai quelque chose. Bon, mon gars, je te comprends pas. Fait que tu iras voir ailleurs. Puis, même que tu sois écœuré, là, de vivre de même. Tout. Bon, on verra. Dans le fond, là, parce que Chris, à un moment donné, là, ça n'a pas de bon sens. Imaginez quelqu'un, par exemple, j'imagine au Québec, quelqu'un qui vivrait comme ça. C'est pas tout à fait les mêmes épreuves. Vous êtes chanceux, pareil, en Europe. En tout cas, bon, ben, mais laissez l'entretien entre Bert et maintenant se dérouler, m'aller pelleter. Yeah, là, c'est venu me fucker, là. C'est pour ça que je venais tanner. Hein? Puis, t'as quelque chose d'hypocrite qui m'énerve, là. Comme Man Over the Shape qui venait déclarer, qui défend Dark Enemies, il faut pas que quelqu'un le défende, blablabla. Je veux dire, tu penses qu'il reconnaît pas la vibration? Moi, c'est ça que je regarde. À un moment donné, là. J'ai jamais dit que je vivais hors système. Non, mais je parle... C'est parce qu'à un moment donné, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Dans le sens que moi, je pourrais pas vivre comme ça. Si j'ai pas le choix, oui, je le ferais. Si j'ai pas le choix. Donc, par déduction, je me doute qu'il y en a que c'est parce qu'ils ont pas le choix. Donc, est-ce que c'est bon signe? Bon, et voilà. C'est juste ça, moi, que je... C'est pas signe d'une amélioration. Pour ça, des fois, ça peut être circonstanciel, là. C'est pas de blâmer les gens, là. Mais au moins, le réaliser, ça. Dans le sens que, non, la société est pas mauvaise. Le système, il est oui, il est corrompu. Mais on ne peut pas complètement le... Pas encore. Donc, bon. Puis ces choses-là, ça va tomber d'elles-mêmes. Bon, ben moi, je vais y aller. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée. Donc, au revoir.